Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Appendice. Le miracle de Josué. La science, en tant que science, peut-elle admettre, sur la foi de la Bible, le miracle attribué à Josué, sans qu'il en soit résulté fatalement pour notre planète le bouleversement de tout ce qui est à sa surface? C'est ce que nous allons maintenant examiner. Commençons d'abord par être bien fixés sur les termes mêmes du récit biblique. En voici le texte. Alors Josué parla au Seigneur et dit, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune, n'avance pas sur la vallée d'Aïalon. » Et le soleil et la lune s'arrêtèrent jusqu'à ce que le peuple se fût vengé de ses ennemis. N'est-ce pas ce qui est écrit au livre des justes? Le soleil ne se hâta donc point de se coucher durant l'espace d'un jour. Jamais jour, ni devant ni après, ne fut aussi long que celui-là. Tel est le fait à la fois miraculeux et historique que l'Écriture raconte dans sa simplicité en quelques lignes. Il résulte de ce fait que le soleil et la lune suspendirent leur marche, au lieu de descendre vers l'horizon, prolongeant ainsi la durée du jour et reculant d'autant l'approche de la nuit, qui aurait empêché la poursuite des ennemis d'Israël. Jamais, on peut le dire, événement ne provoqua, de la part des détracteurs des livres saints, de critiques plus vives ni plus mordantes. Affectant de prendre à la lettre le commandement de Josué, « Soleil, arrête-toi, sol, sta », et les paroles qu'ajoute l'historien, « Le soleil s'arrêta, sol stetit », on en a conclu à une immense erreur ou bévue astronomique, sous prétexte que ces mots donnent à entendre que ce n'est pas la Terre qui tourne sur elle-même, mais bien le soleil qui fait autour d'elle sa révolution diurne. Chose non moins fâcheuse, les apologistes de la révélation et les interprètes de l'écriture ont été pour la plupart les auxiliaires inconscients de semblables attaques, en laissant dire sans protester que la Bible fait de la Terre, non seulement le centre de notre monde sidéral, mais celui du monde tout entier. C'est là une très grosse erreur. La Bible s'est montrée aussi étrangère au système de Ptolémée qu'à celui de Copernic, et, loin de représenter notre planète comme le centre de l'univers, elle admet d'autres cieux que ceux du monde visible, à savoir, les cieux où Élie fut enlevé, les cieux où était placé le trône de Dieu, les cieux des cieux, comme dit Isaïe. Enfin Job assure que les cieux existaient avant la terre et le firmament actuel, quand les étoiles du matin chantaient en chœur et tressaillaient de joie. Sachons donc faire la part du langage des temps, et ne donnons pas aux métaphores dont les peuples orientaux ont toujours été si prodigues la signification rigoureuse d'un terme de géométrie. Mais, dira-t-on, il n'y a rien de métaphorique ni d'oriental dans ces simples mots, le soleil s'arrêta. C'est tout ce qu'il y a de plus prose. Si donc la Terre s'est arrêtée, et non le soleil, pourquoi ne pas l'avoir déclaré? Laissons François Arago, c'est-à-dire l'homme le plus compétent sur ces matières et le plus indépendant de toute attache religieuse, laissons-le répondre à cette objection. Voici comment il s'exprime dans son Astronomie populaire, volume 3. Josué, prétendait-on dans les temps d'ignorance, n'aurait pas commandé au soleil de s'arrêter, si cet astre n'eût pas marché. En raisonnant de la même manière, on pourrait affirmer que les astronomes d'aujourd'hui ne croient pas au mouvement de la Terre, puisqu'ils disent généralement tous et sans exception, le soleil se lève, Le soleil passe au méridien. Le soleil se couche. On pourrait ajouter, continue Arago, que ce qu'ils disent du soleil, tous les astronomes le disent des planètes, des comètes, des étoiles, des nébuleuses et de tous les autres corps célestes. Nous sommes donc parfaitement en droit d'affirmer à notre tour qu'en disant « Sol, Sla, Sol Stolite », la Bible n'a pas plus affirmé l'erreur de la Terre immobile et du Soleil en mouvement que ne le font aujourd'hui les astronomes les plus éminents. Elle a parlé le seul langage possible, la langue à la fois du peuple et des savants. Si, observe Arago, Josué s'était écrié, Terre, arrête-toi, non seulement aucun des soldats de son armée n'aurait compris ce qu'il voulait dire, mais il aurait parlé un langage impossible, anti-scientifique. Qu'il ne soit donc plus question de ces querelles de mots, d'autant plus que nous pourrions rétorquer aux adversaires du miracle un argument du même genre, nous dirions. Vous taxez d'inexact le langage de Josué parce qu'il parle du déplacement du soleil. Mais, vous-même, ne commettez-vous pas une double erreur astronomique en parlant de son immobilité absolue? Car enfin le soleil possède un mouvement, l'un qui le fait tourner sur lui-même, l'autre qui l'entraîne de plus en plus, chaque année, vers la constellation d'Hercule. Passons donc à une autre objection, celle-là du moins, offre des caractères en apparence plus sérieux. On a dit, si réellement la Terre avait, pendant une journée, suspendu sa marche à la voix de Josué, ce temps d'arrêt eût amené inévitablement les conséquences les plus terribles. Songez donc que notre planète fait en 24 heures 600 000 lieues autour du Soleil. La voilà donc, au bout de 24 heures, en retard d'un nombre de lieues équivalent. Or, pendant tout ce temps-là, les autres planètes continueront à se mouvoir dans leur orbite à travers les mêmes espaces. Il en résultera forcément des conflits analogues à ceux qui surviennent sur nos lignes de chemin de fer lorsqu'un train se trouve arrêté ou en retard, tandis que les autres continuent leur marche réglementaire. La Terre sera tamponnée par quelques planètes. Telle est l'objection. Elle paraît tout d'abord assez fondée, mais, pour peu qu'on réfléchisse au but que se proposait Josué, on voit qu'au contraire sa réfutation est très facile. En effet, que voulait Josué? Il voulait tout simplement prolonger la durée du jour, afin de compléter sa victoire sur les ennemis d'Israël, et retarder l'approche de la nuit, laquelle aurait favorisé leur retraite. Or, quel est le phénomène astronomique qui produit la succession du jour et de la nuit? Nous savons que c'est la rotation diurne de la Terre. Il a donc suffi que, pendant 24 heures, la Terre cessa de tourner sur elle-même pour que ce but fût atteint. C'est en effet ce qui eut lieu à la voix de Josué. Sa rotation s'arrêta, stotti. Mais cela ne l'empêcha nullement de continuer son mouvement de translation autour du Soleil. Par conséquent, la position absolue et relative des autres planètes, par rapport à la Terre, n'en fut ni troublée ni modifiée, ce qui rendit toute rencontre impossible. Je ne sais si je me fais bien comprendre, comme il s'agit ici d'une question fort grave et d'une solution toute nouvelle, je demande la permission de reproduire ma pensée sous une autre forme. Qu'on se figure une voiture à quatre roues, une diligence, par exemple, lancée à fond de train. Cette voiture représentera pour nous l'ensemble du système planétaire, et chaque roue, une planète, de telle sorte que le mouvement de translation de la diligence sur la grande route sera l'image du mouvement de translation de notre système planétaire autour du Soleil, et le mouvement de rotation de chaque roue sur son essieu, l'image du mouvement de rotation de chaque planète sur son axe. Ceci posé, il s'agit maintenant d'empêcher une des roues de tourner sur elle-même, mais sans nuire au mouvement de rotation des trois autres, non plus qu'au mouvement de translation de la diligence. Que ferez-vous ? Vous ferez ce que vous voyez faire tous les jours au moindre de nos voituriers à l'approche des descentes trop rapides. Ils glissent sous l'une des roues une espèce de gouttière métallique appelée vulgairement sabot, laquelle l'immobilise sans l'empêcher de suivre les autres roues, qui continuent leur mouvement giratoire, comme la diligence continue son mouvement de translation. Ainsi procéda Josué. Il immobilisa notre planète. Celle-ci, pendant 24 heures, cessa de tourner sur son axe, ce qui prolongea le jour juste du même temps, mais elle n'en continua pas moins, à son rang et à sa place parmi les autres planètes, son mouvement régulier de translation autour du Soleil. Il est une autre objection, empruntée, celle-là, aux lois de la mécanique, qu'on a opposée de même au miracle de Josué. On a dit, le miracle est impossible en ce que, si le mouvement de la Terre avait été brusquement interrompu, tous les objets placés à sa surface eussent été, en vertu de la vitesse acquise, réduits à l'état de vapeur et projetés dans l'espace. Sans doute, au point de vue exclusivement physique, c'est ainsi que les choses auraient dû se passer, si l'arrêt eût porté sur le mouvement de translation de notre planète. Ce mouvement, en effet, est tellement énorme qu'en admettant que, par un arrêt que rien ne contrecarrerait, il vint à se convertir en mouvement moléculaire ou atomique, par conséquent en chaleur. Cette chaleur serait probablement assez grande pour fondre la masse entière de la Terre et en vaporiser les éléments. Mais, encore une fois, il ne s'agit pas ici du mouvement de translation de la Terre autour du Soleil, mais de son mouvement de rotation sur elle-même. Alors rien de semblable ne saurait arriver, car, enfin, quelle est donc cette vitesse de rotation qui vous effraie tant ? La force centrifuge à son maximum d'intensité à l'équateur. Or, à cet endroit, elle est exprimée par la petite fraction 0.00346, c'est-à-dire qu'elle ferait parcourir à un mobile faisant partie de la surface de la Terre un peu plus de 3 cm par seconde. D'où il résulte que cette tendance au mouvement, prête à s'exercer, si la Terre cessait subitement de tourner, serait relativement très minime. Je viens de dire, si la Terre cessait subitement de tourner. Mais il n'est question nulle part dans l'écriture que son arrêt ait été subi, tout donne au contraire à penser que son mouvement a diminué peu à peu et d'une manière insensible, jusqu'à ce qu'il se soit trouvé complètement suspendu. Dès lors il n'y a eu ni secousse ni projection. Singulière inconséquence de l'esprit humain, quand la passion l'aveugle. Vous trouvez tout naturel que, par l'application des freins mécaniques, du frein à air, par exemple, ou par la seule compression de l'air au sein d'un espace fermé, nos ingénieurs puissent éteindre sans danger l'énorme quantité de mouvement d'un train lancé à toute vitesse, et vous refusez à Dieu le pouvoir d'éteindre la vitesse de la Terre, vitesse relativement imperceptible, puisqu'elle n'est, avons-nous dit, que de 3 cm par seconde. Il est une dernière objection qu'on a fait également sonner bien haut comme non moins concluante que les précédentes. Elle porte sur la disproportion extrême qui existerait entre l'importance du fait miraculeux et l'exiguïté du but à atteindre. Et quoi s'est-on écrié, en général, pour compléter tout simplement la défaite d'une armée ennemie, aurait reçu de Dieu le pouvoir de suspendre pour tout un jour la marche de notre planète. Mais c'est faire jouer à la divinité un rôle indigne d'Élie. Et d'abord je ferai remarquer que le miracle de Josué ne fut pas seulement fatal aux Amoréens, en permettant de compléter leur défaite, il dut jeter de plus dans leur esprit la crainte et l'épouvante. Il suffira, pour s'en faire une idée, de se rappeler la terreur qu'inspira au naturel de l'Amérique l'éclipsée de soleil prédite par Christophe Colomb, comme provenant d'un acte de sa volonté. Quand ils virent, à la voix du conquérant, la lumière du jour s'obscurcir, ils se figurèrent qu'ils commandaient aux astres eux-mêmes, et, à dater de ce moment, son prestige fut sans limite. Quelque chose d'analogue dut se passer dans l'armée des ennemis d'Israël. Mais ce n'est pas seulement aux yeux des Amoréens que ce prestige de Josué acquit ainsi un lustre extraordinaire, ce fut également aux yeux de ses propres troupes. L'importance de ce dernier résultat domine tellement la situation qu'elle exige, pour être bien saisie, que nous reprenions les choses de plus haut. Lorsque Josué succéda à Moïse et qu'il reçut de lui l'investiture du commandement, il était alors un personnage fort peu connu. Il semble même s'être défié singulièrement de ses forces, témoins les encouragements que Moïse lui adressa devant tout le peuple assemblé. « Soyez ferme et courageux, lui dit-il, car c'est vous qui ferez entrer ce peuple dans la terre que le Seigneur a juré à leur père de leur donner, et c'est vous qui la partagerez au sort entre les tribus. Le Seigneur, qui est votre conducteur, sera lui-même avec vous, il ne vous quittera point et ne vous abandonnera point, soyez sans crainte aucune et ne vous laissez pas intimider. Cependant Moïse meurt. Voilà donc Josué à la tête des troupes. Il fait, comme nous dirions aujourd'hui, une proclamation à l'armée, pour lui recommander le courage dans les dangers, la patience dans les épreuves et une confiance absolue dans le Seigneur. Que, lui répondent les chefs, nous ferons tout ce que vous nous avez ordonné, et nous irons partout où vous nous enverrez. Comme nous avons obéi à Moïse en toutes choses, nous vous obéirons aussi. Seulement que le Seigneur votre Dieu soit avec vous, comme il l'a été avec Moïse. Il me paraît difficile de ne pas voir dans cette dernière phrase certaines appréhensions ou même certaines défiances pour l'avenir, dissimulées sous la forme d'un vœu. Enfin Josué entre en campagne. Quel va être son premier acte? Ce sera un miracle, le passage du Jourdain. Moïse, lui aussi, débuta par un miracle, le passage de la mer Rouge. Seulement, c'était en quelque sorte un miracle obligé, car il se trouvait pris, sans autre issue possible, entre la mer et l'armée égyptienne. Josué, au contraire, n'avait rien qui l'inquiétât. Si donc il traversa le fleuve à pied sec, ce fut moins encore par nécessité qu'à titre de démonstration. Il voulut frapper les esprits par quelque chose de grand, de surnaturel. Aussi, avec quel soin il en surveilla lui-même ce que je serais presque tenté d'appeler la mise en scène. Des héros se répandent dans le camp, convoquant tous les enfants d'Israël, et, quand Josué les voit réunis, il se lève et leur dit « Approchez-vous et écoutez la parole de votre Dieu. Vous reconnaîtrez à ceci que le Seigneur, le Dieu vivant, est au milieu de vous et qu'il exterminera tous vos ennemis. L'arche de l'Alliance du Seigneur marchera devant vous au travers du Jourdain. Et, lorsque les prêtres qui portent cette arche auront mis les pieds dans les eaux du fleuve, les eaux d'en bas s'écouleront et laisseront son lit à sec. mais celles qui viennent d'en haut s'arrêteront et resteront suspendues. Le peuple sortit donc de ses tentes pour traverser le Jourdain, et les choses se passèrent comme l'avait dit Josué. C'est au lendemain de ce grand événement, si propre à impressionner les esprits et à leur donner une haute idée de la puissance de leur chef, que commencèrent les hostilités entre les Hébreux et l'armée ennemie. Josué fut victorieux tout d'abord. Il s'empara de Jéricho, on sait comment, ainsi que de plusieurs autres villes, mais ses troupes finirent par être battues sous les murs d'Aï. Comment supporta-t-il ce premier échec? Josué, dit l'Écriture, déchira ses vêtements, se jeta le visage contre terre devant l'arche du Seigneur, et demeura prosterné avec les anciens d'Israël jusqu'au soir, et ils se mirent de la poussière sur la tête. Et Josué dit, « Hélas, Seigneur Dieu, avez-vous donc voulu faire passer ce peuple le fleuve du Jourdain pour nous livrer entre les mains des Amoréens et pour nous perdre? Il eût été à souhaiter que nous fussions restés au-delà du Jourdain, comme nous avions commencé d'y demeurer. Hélas, nous écrirons-nous à notre tour, où donc est-elle, cette énergie morale, si nécessaire à un chef, que Moïse avait recommandé à Josué pour son usage, et que Josué avait prescrite à ses troupes pour le leur? C'est cette énergie morale qu'un poète a si parfaitement spécifiée, quand il a dit qu'il fallait opposer au coup de l'adversité une poitrine intrépide. Confère Horace, Ode. Chacun comprendra que cet échec et plus encore ces défaillances de Josué durent porter une grave atteinte à son crédit. La victoire eut beau revenir sous ses drapeaux, son nom cessa d'inspirer à ses soldats la même confiance et à ses ennemis la même terreur. Et en effet, dit la Bible, cinq rois des Amoréens s'unirent ensemble, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jérimoth, le roi de Lachi, ainsi que le roi d'Églon, et ils marchèrent contre lui avec toutes leurs troupes, et, ayant campé près de Gabaon, ils l'assiégèrent. C'est alors que, sur l'ordre de Dieu, Josué les attaqua et les mit en fuite, en même temps qu'il leur faisait lever le siège de Gabaon. Mais leurs armées étaient si nombreuses et si aguerries, qu'elles auraient pu, s'ils leur avaient laissé le temps de se rallier, prendre bientôt une terrible revanche, c'en eût été fait alors d'Israël. Ainsi s'explique pourquoi Josué, dans le but de prévenir une éventualité aussi redoutable, compléta sa victoire par le miracle que nous savons. Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce miracle, les explications dans lesquelles nous venons d'entrer nous paraissant plus que suffisantes pour le faire accepter par quiconque est de bonne foi. Quant à ces esprits forts qui nient au miracle, par cela seul que qui dit miracle dit chose impossible, ce serait peine perdue d'essayer de les convaincre par des raisonnements. Laissons-les donc se complaire dans leur outrecuidance et contentons-nous de les engager à méditer ces réflexions de Voltaire, le désastre de Lisbonne, poème. Non, ne présentez plus à mon cœur agité ces immuables lois de la nécessité, cette chaîne des corps, des esprits et des mondes. Aux rêves des savants, aux chimères profondes Dieu tient en main la chaîne et n'est point enchaîné. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.